Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, l'adaptation réussie d'un célèbre album de bande dessinée. En cette année 1912, Adèle Blanc-Sec, jeune journaliste intrépide, est prête à tout pour arriver à ses fins, y compris débarquer en Égypte et se retrouver aux prises avec des momies en tout genre. Au même moment à Paris, c'est la panique. Un œuf de ptérodactyle vieux de 136 millions d'années a mystérieusement éclos sur une étagère du Jardin des Plantes et l'oiseau sème la terreur dans le ciel de la capitale. La mort est le seul chemin qui mène à la naissance. Violer la sépulture d'un pharaon est un sacrilège. Tu peux être pendu pour ça. J'ai besoin de son savoir. C'est pour guérir l'humanité. Non, juste ma sœur. Ils vont réussir à affoler la population, c'est tout ce qu'ils vont gagner. J'ai rien fait, moi. Allez. Nous, c'est le grand oiseau qui a fait le coup. Professeur, écoutez-moi. J'ai retrouvé la momie de Patmosis. C'est pas possible. Oui, c'est pas possible, mais j'y suis arrivée quand même. Vous permettez que je me fasse un trait? Faites comme chez vous. Un ptérodactyle au XXe siècle. Bon voyage, mademoiselle Blanc-Sec. Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, un film de Luc Besson avec Louise Bourgoin, un DVD Fox Pathé Europa.